Les frères Corse, chapitre 7. Cependant, nous avancions toujours, et comme m'en avait prévenu Lucien, le sentier devenait de plus en plus escarpé. Je mis mon fusil en bandoulière, car je vis que j'allais avoir bientôt besoin de mes deux mains. Quant à mon guide, il continuait de marcher avec la même aisance, et il ne paraissait même pas s'apercevoir de la difficulté du terrain. Après quelques minutes d'escalade à travers les roches, et à l'aide de lianes et de racines, nous arrivâmes sur une espèce de plateforme dominée par quelques murailles en ruine. Ces ruines étaient celles du château de Vincentello d'Istria, qui formait le but de notre voyage. Au bout de 5 minutes d'une nouvelle escalade, plus difficile encore et plus escarpée que la première, Lucien, arrivé sur la dernière terrasse, me tendit la main et me tira à lui. « Allons, allons, me dit-il, vous ne vous en tirez pas mal pour un Parisien. Cela tient à ce que le Parisien que vous venez d'aider à faire sa dernière enjambée a déjà fait quelques excursions de ce genre. »« C'est vrai, dit Lucien en riant. N'avez-vous pas près de Paris une montagne qu'on appelle Montmartre ?»« Oui, mais outre Montmartre, que je ne renie pas, j'ai encore gravi quelques autres montagnes qu'on appelle le Righi, le Forlorn, la Gemmi, le Vésuve, Stromboli, l'Etna. Oh, mais maintenant, voilà que tout au contraire, c'est vous qui allez me mépriser de ce que je n'ai jamais gravi que le Monte Rotondo. En tout cas, nous voici arrivés. Il y a 4 siècles, mes aïeux, vous aurez ouvert leurs portes et vous aurez dit « Soyez le bienvenu dans notre château. Aujourd'hui, leur descendant vous montre cette brèche et vous dit « Soyez le bienvenu dans nos ruines. » Ce château a-t-il donc appartenu à votre famille depuis la mort de Vincentello d'Istria ? » demandai-je alors, reprenant la conversation où nous l'avions laissée. « Non, mais avant sa naissance, c'était la demeure de notre aïeul à tous, la fameuse Saviglia, veuve de Lucien de Franchi. » N'y a-t-il pas dans Philippine une terrible histoire sur cette femme ? Oui, s'il faisait jour, vous pourriez encore voir d'ici les ruines du château de Val. C'est là qu'habitait le seigneur de Giudice. Aussi haïe qu'elle était aimée, aussi laid qu'elle était belle. Il en devint amoureux, et comme elle ne se hâtait pas de répondre à cet amour selon ses désirs, il la fit prévenir que si elle ne se décidait pas à l'accepter pour époux, dans un temps donné, il saurait bien l'enlever de force. Saviglia fit semblant de céder et invita Giudice à venir dîner avec elle. Giudice, au comble de la joie, et oubliant qu'il n'était parvenu à ce résultat flatteur qu'à l'aide de la menace, se rendit à l'invitation accompagné de quelques serviteurs seulement. Derrière eux, on referma la porte, et 5 minutes après, Giudice, prisonnier, était enfermé dans un cachot. Je passai par le chemin indiqué et je me trouvai dans une espèce de cour carrée. À travers les ouvertures creusées par le temps, la lune jetait sur le sol jonché de décombres de grandes flaques de lumière. Toutes les autres portions de terrain demeuraient dans l'ombre, portées par les murailles restées debout. Lucien tira sa montre. « Ah ! dit-il. Nous sommes de 20 minutes en avance. Asseyons-nous, vous devez être fatigué. » Nous nous assîmes, ou plutôt nous nous couchâmes sur cette pente gazonneuse, faisant face à une grande brèche. « Mais il me semble, dis-je à mon compagnon, que vous ne m'avez pas raconté l'histoire entière. » « Non, continua Lucien, car tous les matins et tous les soirs, Saviglia descendait dans le cachot attenant à celui où était enfermé Giudice. Et là, séparée de lui par une grille seulement, elle se déshabillait et se montrait nue aux captifs. « Giudice, lui disait-elle, comment un homme aussi laid que toi a-t-il jamais pu croire qu'il posséderait tout cela ?» Ce supplice dura 3 mois, se renouvelant 2 fois par jour. Mais au bout de 3 mois, grâce à une femme de chambre qu'il séduisit, Giudice parvint à s'enfuir. Il revint alors avec tous ses vassaux, beaucoup plus nombreux que ceux de Saviglia, prit le château d'assaut et s'étant à son tour emparé de Saviglia, l'exposa nu dans une cage de fer à un carrefour de la forêt appelé Bocca di Silaccia. Offrant lui-même la clé de cette cage à tous ceux que sa beauté tentait en passant. Au bout de 3 jours de cette prostitution publique, Saviglia était morte. « Eh bien, mais, remarquai-je, il me semble que vos aïeux n'entendaient pas mal la vengeance, et qu'en se tuant tout bonnement d'un coup de fusil ou d'un coup de poignard, leurs descendants sont un peu dégénérés. Sans compter qu'ils en arriveront à ne plus se tuer du tout. Mais au moins, reprit le jeune homme, cela ne s'est point passé ainsi dans notre famille. Les deux fils de Saviglia, qui étaient à Ajaccio, sous la garde de leur oncle, furent élevés comme de vrais Corses, et continuèrent de faire la guerre aux fils de Giudice. Cette guerre dura 4 siècles, et a fini seulement, comme vous avez pu le voir sur les carabines de mon père et de ma mère, le 21 septembre 1819, à 11 heures du matin. En effet, je me rappelle cette inscription, dont je n'ai pas eu le temps de vous demander l'explication, car au moment même où je venais de la lire, nous descendîmes pour dîner. La voici. De la famille des Giudice, il ne restait plus en 1819 que 2 frères. De la famille des Franchi, il ne restait plus que mon père qui avait épousé sa cousine. 3 mois après ce mariage, les Giudice résolurent d'en finir d'un seul coup avec nous. L'un des frères s'embusqua sur la route d'Olmedo pour attendre mon père qui revenait de Sartène, tandis que l'autre, profitant de cette absence, devait donner l'assaut à notre maison. La chose fut exécutée selon ce plan, mais tourna tout autrement que s'y attendaient les agresseurs. Mon père, prévenu, se tint sur ses gardes, ma mère avertie, rassembla nos bergers. De sorte qu'au moment de cette double attaque, chacun était en défense, mon père sur la montagne, ma mère dans ma chambre même. Or, au bout de 5 minutes de combat, les 2 frères Giudice tombaient, l'un frappé par mon père, l'autre frappé par ma mère. En voyant choir son ennemi, mon père tira sa montre. Il était 11 heures. En voyant tomber son adversaire, ma mère se retourna vers la pendule. Il était 11 heures. Tout avait été fini dans la même minute. Il n'existait plus de Giudice, la race était détruite. La famille Franchi, victorieuse, fut désormais tranquille, et comme elle avait dignement accompli son œuvre pendant cette guerre de 4 siècles, elle ne se mêla plus de rien. Seulement mon père fit graver la date et l'heure de cet étrange événement sur la crosse de chacune des carabines qui avait fait le coup, et les accrocha de chaque côté de la pendule à la même place où vous les avez vus. 7 mois après, ma mère accoucha de 2 jumeaux, l'un desquels est votre serviteur, le Corse Lucien, et l'autre, le philanthrope Louis, son frère. En ce moment, sur une des portions de terrain éclairée par la lune, je vis se projeter l'ombre d'un homme et celle d'un chien. C'était l'ombre du bandit Orlandi et celle de notre ami Diamante. En même temps, nous entendîmes le timbre de l'horloge de Sulacaro qui sonnait lentement 9 heures. Maître Orlandi était à ce qu'il paraît de l'opinion de Louis XV qui avait, comme on le sait pour Maxime, que l'exactitude est la politesse des rois. Il était impossible d'être plus exact que ne l'était ce roi de la montagne auquel Lucien avait donné rendez-vous à 9 heures sonnantes. En l'apercevant, nous nous levâmes tous deux. Si amour.